Vous aimez être à la pointe du raffinement ? DS Automobile présente DS7 Crossback. Avec ses projecteurs ciselés tels des pièces de joaillerie et ses feux tridimensionnels en forme d'écaille, ce SUV d'avant-garde incarne le savoir-faire français. Paré de matériaux nobles, comme le cuir Napa sublimé par des coutures point perles, l'alcantara ou le cristal noir, DS7 Crossback signe un intérieur haute couture. DS Automobile vous convie à essayer DS7 Crossback dans son nouveau réseau exclusif. Détails sur dsautomobile.fr. Bonjour Raphaël, bonjour à tous. Quel 17 mai avez-vous choisi ? Le 17 mai 1973, Raphaël, un jour qu'on a un peu oublié aujourd'hui, je vous emmène à Mazamet, dans le Tarn. Ce jour-là, tous les habitants, c'est-à-dire 16 610 personnes quand même, vont s'allonger dans les rues de la ville. Imaginez un petit peu le spectacle. Et pendant une heure, ils sont là, inertes. C'est une image très frappante, bien sûr. C'est pour dénoncer la violence routière, exactement. C'est ça ? Exactement. Vous savez, lorsque la sécurité routière annonce le nombre des tués sur les routes, on compare souvent ce chiffre à la population d'une ville pour le rendre moins abstrait. Eh bien, figurez-vous qu'en 1972, 16 770 personnes avaient laissé leur vie sur la route. Oui, l'équivalent donc de la population d'une ville comme Mazamet. C'est ce qu'on disait à l'époque et pour que le symbole soit plus fort encore, un reporter de l'ORTF, Michel Thauriac, a décidé d'illustrer vraiment ce chiffre en simulant une catastrophe à Mazamet, comme si la ville était rayée de la carte. À 14h donc, ce 17 mai 73, des sirènes retentissent, c'est le signal. Tous les habitants s'allongent, ça et là, il y a même quelques voitures en feu pour le décor. Mais Mazamet est plongé dans un silence terrifiant. Seuls rôdent les journalistes, les caméramens, les photographes bien sûr, pour couvrir l'événement. On en parle encore aujourd'hui, Franck. C'est la preuve que le message est passé, non ? Oui, alors on ne saura jamais combien de vies ce happening a permis de sauver. Ce qui est sûr, c'est que dès l'été 72, de nombreuses mesures avaient été prises. Port obligatoire de la ceinture à l'avant, limitation de la vitesse. De 16 000 morts en 72, on est passé à 3 400 en 2015. Je crois que ça s'est un tout petit peu aggravé l'année suivante, mais enfin... Ce qui traduit quand même un changement de la société dans son appréhension du danger, pas seulement routier d'ailleurs. Peut-être assisterons-nous à une nouvelle diminution des accidents routiers avec l'apparition des nouvelles voitures qui roulent toutes seules, vous savez. Ouais, pour 2020 en France. Alors Franck, on vous retrouve tout à l'heure, 14h sur Europe 1. Oui, pour une heure consacrée aux Mayflower et aux pionniers américains.